نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أيها المسلمون الاعتناء بالمسجد وترتيب ما فيه من فرش ونحوها أمر محمود مرغب فيه وفاعله مثاب عند الله جل وعلا على هذا العمل الصالح وقد أمر الله جل وعلا بتعظيم المساجد في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فقال السيوطي رحمه الله في هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقاذورات ومما يدل على فضل من اعتنى بذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت قال أفلا كنتم آذنتموني بها دلوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها الله أكبر امرأة سوداء ضعيفة قليلة الشأن عند أهل ذاك الزمان يسأل عنها أفضل الورى وخير من وطي الثرى ثم يذهب حتى يقف على قبرها ويصلي عليها وهو الذي صلاته سكن ورحمة ماذا فعلت هذه المرأة يا ترى وماذا الذي حصل منها وماذا صنعت أي شيء قدمت لخدمة دينها وبأي شيء بلغت ما بلغت عند نبيها أجهزت جيشا أو حاربت عدوا لا والله أبنت مسجدا أو حفرت بئرا لا وربي أكفلت يتيما أو آوت محتاجا كلا ماذا فعلت إذن أنها إنما كانت تقم المسجد نعم أيها الإخوة الكرام كانت تقم المسجد وتنظفه وتحمل عنه القذى وتجمله هذا هو قصارى جهدها ومبلغ قوتها اتقت الله سبحانه وتعالى ما استطاعت وبذلت ما في وسعها وأدت ما أمكانها وبذلت وقتها وعنايتها لبيت ربها طلبا لمرضاته وابتغاء وجهه فكان ما كان من صلاة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ورحمة الله لها وكذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب كما صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي ومعنى الدور أي الأحياء والقبائل وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم البزاق من في المسجد خطيئة وأخبر أن كفارتها دفنها وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها كما رواه البخاري ومسلم وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. والحديث حسنه أو صححه الألباني رحمه الله. وكل هذا يا عباد الله يدل على تعظيم العناية بالمساجد وصيانتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. خلي الله جل وعلا إساشيه que prendre soin des mosquées et ranger les tapis ou autres, eh bien ce sont des actes demandés et recommandés. Et celui qui fait cela, eh bien qu'il sache qu'il sera rétribué auprès d'Allah Azza wa Jal, car cela est considéré comme un acte pieux. Et Allah Jalla wa Ala nous ordonne dans son livre, le noble Coran, de glorifier les mosquées et de les honorer. Allah Jalla wa Ala nous dit, fi surat al-Nur, dans des maisons, yani des mosquées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis que l'on élève et où son nom est évoqué ou invoqué, eh bien nous glorifions en elle matin et après-midi des hommes qui ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah Azza wa Jal, de l'application de la prière ou de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de l'aumône légale, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. L'imam Suyuti rahimahullah a dit dans ce verset, il y a le commandement d'honorer les mosquées et de les nettoyer de toute futilité et de toute souillure et salissure. Et ce qui prouve le bienfait, ya ibad Allah, de prendre soin des mosquées, ce qui est rapporté dans les deux authentiques d'après le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, un homme ou une femme, selon la version de peau noire, avait la charge de balayer la mosquée. Et cette personne mourut. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors enquéri de cette personne et on a informé que cette personne était décédée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en s'exclamant, vous auriez dû m'en parler. Il leur a dit ensuite, conduisez-moi à son tombeau. Et puis il s'y est rendu et a fait une prière, la prière mortuaire sur la tombe de cette personne. Voyez, ya ibad Allah, comment ce hadith est grandiose. Une faible femme de couleur n'ayant que peu d'importance aux yeux de ses semblables à son époque, et ici le meilleur des hommes qui questionne à son sujet, puis va jusqu'à se dresser devant sa tombe et prier devant elle, sur elle, tout en sachant que la prière et les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une sérénité et une miséricorde. Mais qu'a fait cette femme pour mériter un tel honneur? A-t-elle armé des soldats? A-t-elle combattu des ennemis? Par Allah que non! Elle n'a rien fait de tout cela. A-t-elle édifié une mosquée ou creusé un puits? S'est-elle portée garante d'orphelins ou a-t-elle donné refuge à des indigents? Par Allah Azza wa Jal, elle n'a rien fait de tout cela. Elle a juste nettoyé et pris soin de la mosquée. Elle a craint Allah Azza wa Jal ce qu'elle pouvait et fait les efforts qui étaient en sa capacité. Elle a donné son temps à prendre soin de la demeure de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour le satisfaire et atteindre son agrément, et de par cela elle a atteint ce degré. Et le prophète alayhi salatu wassalam est allé prier sur elle alors qu'elle était déjà ensevelie et enterrée. Et dans le hadith de Aisha radiallahu anha, le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de construire des mosquées dans les lieux habités et qu'elles soient nettoyées et parfumées. Ibn Hajar rahimahullah a dit qu'il est bon de parfumer les mosquées d'encens. Concernant ce hadith, il est également recommandé de balayer et de nettoyer la mosquée. Et Ibn Abi Shayba rahimahullah rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam balayait la poussière de la mosquée avec une feuille de palme. Et ce qui montre également, ya ibad Allah, l'importance de prendre soin de la mosquée, et que le prophète alayhi salatu wassalam dénombre le crachat tout en sachant qu'en islam, la salive et la morve sont considérées comme étant pures, mais il dénombre cela comme étant une erreur et que son expiation est de l'enterrer, comme cela est reporté dans les deux authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la traduction approximative du sens du verset, il dit « cracher dans la mosquée est un péché et on l'expie en enfouissant le crachat ». Et il est également rapporté d'après Anas radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un crachat sur le mur de la mosquée en direction de la Qibla. Il se mit en colère au point que son visage rougisse. Une femme des Ansar se leva, essuya le crachat et mit du parfum. Et mit du parfum à cet endroit, et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit alors comme cela est bon en parlant de cet encens et de ce parfum. De là, ya ibad Allah, nous voyons l'importance donnée par le prophète alayhi salatu wa sallam à ce lieu sacré qui est la mosquée. Nous voyons également l'assiduité avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de ce lieu d'adoration, d'enseignement et de bien. Et j'en profite, ya ibad Allah, pour rebondir sur ces paroles afin de vous dire que cette mosquée également a besoin qu'on y prenne soin et qu'on fasse des efforts pour la préserver, pour la nettoyer et que son bon fonctionnement se fasse de la meilleure des manières. Vous savez, ya ibad Allah, que cet endroit accueille du monde et que cela a un coût et que le bon fonctionnement de cette mosquée ne peut se faire sans l'aide d'Allah Azza wa Jal en premier lieu et ensuite avec l'aide des fidèles. Et suite aux intempéries de la semaine dernière, il faut savoir que le tapis de la salle des femmes a été complètement inondé et on a été obligé de mettre les tapis de la véranda au niveau des femmes pour qu'elles puissent prier d'une manière décente. Et également le tapis de cette salle va être changé la semaine prochaine, sans compter les multiples factures d'eau et d'électricité. Donc sachez que les compagnons radiallahu anhum et ceux qui les ont suivis parmi les pieux prédécesseurs étaient assidus à dépenser leurs biens dans le sentier d'Allah Azza wa Jal de façon générale. Et il prenait soin de devancer pour eux-mêmes ceux qui les sauvera et leur donnera la joie, la victoire et la félicité éternelle dans l'au-delà. Et nous avons cela venant de leur part de nombreux exemples. Ayyuhal ikhwah, parmi eux Abu Bakr radiallahu anhu qui a dépensé toute sa fortune dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et Omar radiallahu anhu qui a dépensé la moitié de sa fortune dans l'agrément de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et dans la concurrence du bien. Et également lorsque Allah Jalla wa Ala a révélé le verset où est-ce qu'il dit « Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » et vous n'atteindrez pas eh bien, la piété tant que vous n'aurez pas dépensé de vos meilleurs biens, eh bien Abu Talha radiallahu anhu alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit que le bien qui lui est le plus cher était Bayruha, qui était un jardin et une oasis qu'il possédait. Et il a dit « Je la donne en aumône ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit bakhin, bakhin ya'ni, c'est une expression qui marque la satisfaction. Ensuite il lui dit voici un bien fructueux, voici un bien fructueux. Même les plus pauvres parmi les compagnons, d'entre eux parmi les compagnons, eh bien s'ils avaient un sa' ou la moitié d'un sa' qui est une unité de mesure, eh bien il la donnait en aumône. Où sommes-nous de ces gens-là, ya ibad Allah, qui sont nos exemples et qui doivent être pris comme guide ou pour guide dans les bonnes actions? Faites l'effort, jazakumullahu khayra, et sachez qu'Allah Azza wa Jal vous multipliera cela le jour où vous en aurez le plus grand besoin. Wa sallu wa sallimu ala khayri al-bariyah wa azka al-bashariyah, faqad amarakumullahu jalla wa ala bidhalik, faqala fi muhkam al-tanzil, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور يا حي يا قيوم. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.